sais que tu es ma fille. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films. Ta l'air si particulière, moi l'inconnu m'attire. Quand est-ce qu'on se revoit seul? Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films.